servez-vous pour tout. Vous avez vu le prix de mes tomates? Je suis imbattable. Imbattable de la tomate. La fraise ira pas pour tout le monde. On a le droit de goûter 12 euros les deux barquettes. Vous vous servez et après vous faites la queue par l'autre côté. C'est pour éviter que ça bloque tout le marché. Vous servez pour tout. Oui, on va mettre une barquette à disposition. Attendez. Mangez. Ah, nous les grands. On va se goinfrer là dans la fraise. Faut être généreux. Une main pour donner, l'autre pour prendre. C'est ce qu'on dit. Hein. Tu vas manger une aussi, c'est pas trop. Viens goûter moi. Là, elles sont extra. Elles sont bonnes. Oh là là. Ça rend amoureux trois quarts d'heure après. Moi, je trouve que là, c'est Mika Sacha. Ah, bah, c'est tranquille, non? Thank you.